Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale avec moi-même, Kevin Laramé. Aujourd'hui, bilan des joueurs de l'édition 2018 de l'Impact de Montréal. Nous allons entendre la conférence de presse intégrale avec Evan Bush et Nacho Piatti, récipiendaire réciproque des trophées individuels. Evan Bush, joueur défensif de l'année, et Nacho Piatti, joueur par excellence de l'année 2018. Quatrième fois consécutive que Nacho Piatti gagne le trophée Giuseppe Saputo. Et selon Joey Saputo, s'il gagne une autre fois, il faudrait commencer à penser à changer le nom du trophée pour le trophée Nacho Piatti. Donc, sans plus attendre, nous allons entendre la conférence de presse en entier de Evan Bush et Nacho Piatti. Mesdames et messieurs, le joueur défensif de l'année, the 2018 Defensive Player of the Year, Evan Bush. Place maintenant au joueur par excellence 2018. Donc pour une quatrième année consécutive, le joueur par excellence de l'année, le 2018 MVP, Nacho Piatti. Evan, would you please join Nacho and three of you guys? Merci beaucoup, Joey Saputo. Merci, Nacho. Evan? Nacho, one more year, then we change the name of the trophy. Je vous invite maintenant à poser vos questions. Pour Evan Bush et Nacho Piatti, faites conscience. Nacho, une quatrième fois de suite, pourquoi ce titre-là? Tu as maintenant 33 ans. Commences-tu à te sentir un peu plus fatigué parce que année après année, tu réussis à prouver que tu es l'un des meilleurs joueurs de la Ligue? Bonjour à tous. Bonjour. Je suis content, oui, de recevoir ce trophée. Et je me sentais bien ici avec tout le groupe. Je dis merci à tous parce que ce n'est pas moi de seul que je suis, c'est toute l'équipe. Mais on est un peu. J'ai reçu ce trophée, mais je voulais jouer les playoffs. Si tu me dis si je voulais changer, oui, je voulais changer ça pour jouer les playoffs. Mais maintenant, c'est comme ça, il faut penser à l'année prochaine. Last year it was a little bit more difficult. At the end of the season, Maxime Thibault was going to be hurt. So for you to bounce back this year, work with Joel, what does this mean to you to get the support? Yeah, it's like you said, last year obviously didn't go according to plan for a lot of reasons. And, you know, kind of lit a fire under me, you know, going into the off season with, you know, a lot of the external factors that, you know, I kind of let creep into my psyche. And, you know, I kind of made it a point to myself over the off season to, you know, really, you know, lock in and come back stronger and you know, prove that, you know, I'm capable of having, you know, seasons like I had this year. And certainly the trust and the confidence that the staff bestowed upon me from the first meeting I had with them last year, into the preseason, into the season, and, you know, developing and working with Joel and Remy and the staff and you know everybody involved this year, it's certainly, you know, helped me progress to have the season that I had. So yeah, it's a much better feeling now than obviously this point last year, but, you know, ultimately we would have certainly preferred to get some results go our way at the end of the season, particularly the last weekend of the season, and be playing tonight as opposed to be sitting here and talking about the season. Evan, I don't know if you agree with this, but from the outside, one had the impression that you progressed a lot from the last year and maybe past few seasons. It's very unusual to see a veteran improve so much from one season to another, especially a goalkeeper. Sometimes at a certain point of your career, you plateau. How much of a part in that progression Joel Batts had working with you? I think, yeah, like I kind of mentioned, I think there was a lot of variables, and Joel was certainly a major one there. In addition, you know, I think that just having a certain amount of games and understanding different situations and experiencing different things throughout, throughout the seasons has helped me. Whether it was 2014, 2015, 2016, 2017, highs, lows, whatever it was, learning how to manage those and progressing through those. So, you know, we've had some really good moments, you know, in the past, particularly in 2015 and 2016. So I learned from those while also learning from, the declines in 2017 and trying to bounce back from that. So, putting those things together with, what Joel asked of me this year and changing certain things in, my preparation, my mental outlook, my perspective, my work in the gym, my work, off the field, my diet, a lot of things went into it. And, I don't think that there's ever a moment in anybody's career. I know you mentioned a plateau, and certainly there's going to be a point where, guys decline naturally because of age and stuff like that. But I don't think that there's ever a point where, as a professional, you should ever accept that you're just declining. There's always a way to get better, whether that's physically, mentally, whatever it is. You adapt to whatever the situation is. So as your body declines, you have to get sharper mentally. If you're not sharp mentally, you have to be better physically. So there's always something that you can draw upon. And, I tried to do that this year, and I'll certainly try to continue to do that as long as I'm playing. I got a couple of questions, one for each. First of all, congratulations. Félicitations pour les prix. Nacho, il te reste une saison à ton contrat, plus une année d'option. Quand tu penses à ton avenir et pendant combien d'années tu veux jouer encore, tu te vois ici combien de temps? Est-ce que tu te dis, je vais jouer une année puis après on verra, ou tu dis, je veux finir les deux prochaines à Montréal? Moi, je veux tourner ici l'année prochaine. C'est sûr, ça. Après, je ne sais pas si... qu'est-ce que la vie me fait, je ne peux pas aller plus avant que ça. Ok, donc tu te concentres pour l'année prochaine. Oui, oui. Evan, I know you didn't really want to talk about this during the season, but you're without a contract at the end of the year. Have there been any talks, negotiations, that you didn't want to talk about? Is there a deal in place already for next year, or are you a little bit in a situation where you're not too sure where you're going to end up? We've started negotiations. Not terribly long ago, but it's been ongoing to a degree, and it was something that I felt like I could deal with during the season, and it didn't really progress that strongly during the season for many reasons. It didn't start until later in the season, so I wasn't lying or leaving you guys out, in the dark on anything, but. Yeah, those negotiations and discussions are still ongoing, and we'll see where they lead. But I've been happy here, and it's been 8 years that I've been here. My family is from here. We're expecting a third in January, so it's a place that we're certainly familiar and comfortable with, and hopefully we can figure something out in the coming weeks. So the talks are positive. You could say they're positive. I mean, I guess any types of talks are positive, right? But we'll see what plays out, I suppose. Evan, you just won the Defensive Player of the Year for your club. You're on the short list for Goalkeeper of the Year. I mean, I know team players don't necessarily look at individual prizes as much as MLS Cup or the Shield, but do you think that your season was worthy of winning that individual prize? It's been an interesting year, right? We started out the season in the first half of the season, and we were giving up a lot of goals. But even at that point, I felt like I was playing you know, at a pretty good level. And then as we started collecting clean sheets and you know, those types of statistics and accolades and team of the week and all those types of things started kind of coming in, you know, it was a byproduct of how the team was doing. And then as that happened, you know, some of that talk started happening. So as you said, it's individual stuff, but it's all based around, you know, team performances and stuff like that. But to go a little bit more directly at your question, you know, it'd be nice to certainly be, you know, listed in, you know, the finalists for that, however big that group is. And, you know, I do think that I had one of the top seasons in the league, but there's been a lot of good seasons in the league. So that's up to whoever votes on it. I don't even know who votes on it, to be honest. So we'll see how it plays out. Evan, you've been very loyal to the team since you got here back in the USL days. Have you gotten to the stage, especially with this last year, you've had maybe a bit more leverage? Is it the first time you'd be really open to considering maybe a move somewhere else, or is it a no-brainer for you that you absolutely want to figure out a way to stay here? And if you do, what is it you're looking for? Is it money? Is it duration of contract for your family? Where do you sit on that? Yeah, like you said, I've been here for a long time, right? And you know, we're certainly comfortable, and my kids are happy and all those things, but I don't think you ever rule out anything, especially in this game, in this sport, and in this business. And sometimes those things aren't even in your hands. So I'm still at a point right now where, you know, a lot of these things aren't in my hands. You know, with, I'm technically not a free agent even. So, you know, we'll see what happens with that. As far as what I'm looking for, you know, I've been here 8 years, like you said, and during that time, I've never had more than 1 year of security. It's always been an option year. So, you know, those are the types of things that, looking back, it adds a little bit more stress to the family side of things, not always knowing, you know, what your future holds. And, you know, like I said, it could hold something else in 3 months anyway. You know, even if I sign an 8-year contract, right? You know, they could trade me in 3 months. So, you know, some of those things are out of your hands. But, you know, just to have a little bit of peace of mind and security and, you know, it's kind of weighing all those things together, all those conditions together. And, you know, whether I'm, you know, going to be here or not, you know, it's I don't know if it's necessarily something I can determine right now because, like I said, a lot of those things aren't even in my control, to be honest. So we'll see. La question est pour les deux. The question is for both of you. Nacho, qu'est-ce que tu penses qu'il manque à cette équipe? Qu'est-ce qui devrait être au top de la liste pour être capable de faire partie des équipes élites dès l'an prochain? Evan, what's missing right now in this team to be able to be amongst the best team in the league? Moi, en premier, je voulais féliciter à Evan pour cette année. Lui, il était extraordinaire. Donc, je voulais dire ça à tous. Et après, oui, les premiers 13 matchs, on a gagné seulement 3. Et après, les derniers 20 matchs, on a fait 34 points ou plus. Et donc, ça, il faut dire qu'on a fini la saison bien. Il manquait seulement un gagné 2 matchs plus. Et on était dans les playoffs, on devait jouer aujourd'hui. Mais maintenant, c'est comme ça, il faut penser que. Qu'on a fini bien la saison. Et après, c'est le coach et Joy qui va dire qu'est-ce qui manque. Ce n'est pas nous qui va dire ça, mais on a formé un bon groupe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés à mois de juillet, august. Donc, aussi, c'est difficile de faire un groupe solide. J'espère que cette année, pas beaucoup de joueurs comme ça. On reste le même groupe et aussi de porter quelques joueurs pour aider. Yeah, I think, you know, looking at the last half of the season, you know, there was a lot of positives. And I think that, you know, to give you a short answer, I think that the future here is very positive and very bright. And you know, I think that there was a lot of reasons to be excited about, you know, what's to come. You know, there's obviously going to be some changes, at what positions, I don't know, and all of those things. And it'd be probably wrong for me to sit up here and give you, you know, this position needs changed or this position needs changed, because we just battled for 10 months with, you know, the guys in the locker room. And, you know, I have the respect, or they have the respect from me, every single one of those guys, for the work that we put in. So I would never come up and say that, you know, we need to make moves in certain positions. You know, that being said, you know, I think that, you know, Remy already said that his post game that there would be one or two changes, but there wouldn't be a big overhaul. So, you know, if we have the exact same group coming into preseason next year, I think that we'll be, you know, excited, and there'll be a little bit of consistency in our approach, and, you know, we'll be able to attack the first half of the season, you know, a little bit stronger, obviously, than what we were able to do this year. Evan, congratulations. Felicitación, Nacho. When you guys were training in Florida, all I was reading was how hard you were training, how much running you were doing. The formula seemed to be different, and yet you got off to such a slow start in the season. So how can you explain that? I know there were reinforcements that came in, and you only have certain periods in which those international transfers are allowed. But it was clearly a stronger unit in the second half. So can you explain the slow start at all? Yeah, I got really bad memories of Florida with all the running, to be honest with you. This guy was like, that's his body type, you know, he can just run all day. But for goalkeepers, it was a nightmare. But yeah, I think that the fitness that we did, particularly in the first couple of weeks, it was one for the physical aspects for sure. But I think it also helped the mental side to form the group with the right mentality to battle through difficult moments, whether that's in one game or if it's, you know, throughout a season. And so when we got off to a slow start and things weren't going the way we had hoped, you know, I think that, you know, being able to say to ourselves that we can get through, you know, difficult moments because of what we got through early in the preseason, while we might not have thought of, you know, at that moment, I think subconsciously it was something that certainly helped us. To explain, you know, the slow start, I think that, you know, it's kind of natural when you have such turnover. I think there was 16 new guys, is that right? 16 guys that were turned over last year into this year. There's a new staff that was, you know, new to the league, trying to get their bearings with the level and, you know, the travel and all these things that are very difficult in this league. And, you know, once we were able to kind of figure out that part, you know, we got on a pretty good run and a better understanding of what each of us, you know, were being asked to do and how we wanted to do it. And, you know, I think that I said this to someone recently, that if there was ever a time for MLS to adopt the Mexican League playoff format, it would have been this year. You know, for us, and you know what I'm talking about, with us and DC United, with such good second halves of the year, because in Mexico they break up the season into halves, and, you know, it kind of goes based on form. But that's unfortunate. We're in MLS, I suppose, and it didn't happen that way. But, you know, like I said, it's an exciting and bright future for sure. Evan, Nacho, peut-être, quelles sont les leçons en bout de ligne que vous allez retenir de cette saison-ci? And what are the lessons maybe that you guys are going to take away from this season going to the next one? Les leçons que vous allez retenir de cette saison-ci pour la saison prochaine. Les groupes, je pense qu'il faut être, si beaucoup de joueurs restent, maintenant on connaît beaucoup, et on peut commencer la saison mieux que l'année passée, parce que l'année passée on a fait une très très bien préparation physique, mais après on a commencé pas bien, parce que peut-être dans la tête, la mentalité, beaucoup de joueurs ils sont venus, nouveau coach, mais maintenant on connaît tous, et si on ne change pas beaucoup, on peut arriver, moi je pense qu'on peut arriver en finale, moi je veux gagner ici. Yeah, I think that kind of going back to the way that this past season worked out is that there's always time to turn the corner. And, you know, if you looked at where we were in May, you would have expected us to finish last in the league for sure. But, you know, we were able to keep perspective and the right mentality through some difficult times and give ourselves a chance at the end. And, you know, if you look at a couple of games in particular at the end of the year, Toronto away, DC away, I think those are the games from a negative standpoint that we can probably learn the most from. I think that, you know, we might have been a bit naive in those games as a team and tried to win the game in the first 10-15 minutes, and it didn't happen. And as a group on the field, we didn't respond the right way. And, you know, I think we changed that, and we even learned, you know, towards the end of the season in the games that we had at home, and we were able to respond properly, but we just kind of ran out of time. And, you know, those are certainly things that we'll have to think about going into next year, and you know, I think we'd be able to approach those situations a little bit better. Nacho, au mois de mai, le président a dit qu'il n'y a pas de joueur qui était intouchable, qui pourrait peut-être même vous échanger. Sur le coup, ça semblait vous faire très mal, vous êtes resté. Est-ce que vous avez eu la chance de lui reparler de ça? Est-ce que la relation avec le président est rétablie comme c'était avant? Non. Oui, on a parlé après de ça, mais lui, c'est le président, et lui, il peut dire les choses que lui veut. Et c'est vrai, il n'y a pas d'intouchable dans l'équipe. Et moi, je m'entraînais comme tous les autres joueurs, et j'ai fait mon travail dans le terrain. Après, c'est lui qui décide, mais tout va bien. Vous lui avez reparlé après quand même? Oui, on a parlé parce qu'on a une bonne relation, mais seulement ça. Sure. Looking ahead to next year, the team's had Remy for all season now. What does the culture of the team look like under this management? Like, how have they been able to adapt to MLS and for them to be able to start having that year experience under their belt now? Yeah, I think that the experience was very important for them, and I think they navigated it quite well. You know, to again look back at the first half compared to the second half, it shows that. I think that the culture in the locker room is quite strong. I think there's a strong level of discipline that comes with a guy that has managed and played at high levels, that, you know, he can talk to Nacho the same way as he talks to an 18-year-old homegrown kid, without really, you know, putting Nacho on a pedestal or putting another guy on a pedestal. And when guys see that, you know, certain guys are being held accountable the same way as other guys, you know, it creates, you know, the right culture in the locker room. And so from that standpoint, I think that they were able to really make the locker room something, you know, that was, you know, a positive at the end of the season for sure. Nacho, est-ce que je peux vous poser la même question, le fait que Rémi a maintenant un an d'expérience ici en MLS pour l'année prochaine, qu'est-ce que ça va apporter pour lui comme expérience? Oui, je l'ai dit avant, je pense que l'année prochaine ça sera différent parce que lui maintenant il connaît la ligue, il connaît les joueurs, il connaît toutes les équipes. Donc lui, il faut que lui pense à qu'est-ce que nous on a besoin, qu'est-ce qu'il a manqué dans les 34 matchs, et c'est lui qui va parler avec Joel pour améliorer l'année prochaine et pour aller le plus avant possible. Le plus important, c'est que, comme je dis, on a fini bien la saison, si bien on a perdu le dernier match, mais on a fini la deuxième moitié de la saison, on a fini con beaucoup de points. Donc il faut regarder ça et venir l'année prochaine con la même mentalité et changer quelque chose comme dans la première mitad de la saison. Commencer bien la saison, c'est très important. Donc maintenant, lui, il connaît, nous, on connaît lui, donc c'est important ça. Une question pour chacun. En fait, Nacho, sur la dernière saison en 2018, pour toi, personnellement, tu dirais que ta plus grande fierté, ça a été quoi dans ton jeu cette année? Maintenant, je suis vieux, peut-être c'est ça. Non. Chaque année, ça change un peu. Il arrive beaucoup de nouveaux joueurs. Cette année, C'est vrai que j'ai fait plus de passes décisives, mais peut-être parce que cette année, j'ai commencé à jouer plus tranquille, regarder les autres. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est changé, mais je suis contente avec ça et j'ai fait les murs pour Montréal et que tout le monde est content. Donc, je travaille pour ça. And Evan, you have this trophy in front of you now at the end of the season, but you started the year with, it was 20-odd goals against in what felt like a handful of games. Can you bring us back to what was going on in your head at that stage? I presume that trophy wasn't the first thing you were thinking about. Well, somebody's got to win it, I guess, right? yeah, at that point, yeah, I think there was a four-game stretch where we gave up like 14 goals. And, you know, kind of my mentality and my psyche during that time was the same that I took from the end of the year last year into the offseason, was that I was just going to block out everything else. I was going to focus on what my job was and control what I could control. I think that, you know, I was able to do that. And if I wasn't able to do that at the start of the season, then I probably would have drove myself crazy for sure. You know, I look back at, you know, some of those games and we're giving up, you know, 4 or 5 goals, but I was making 9, 10, 14 saves in one game. And that's not to say that, like, that was good or I was proud of that, but it showed that, you know, there was positives coming from, you know, from a personal standpoint there that I had to focus on, because I knew that if I didn't focus on the positives and, you know, keep the proper mentality and perspective for myself, then it would have, you know, slid downhill for everybody, for the group, and it could have gotten really bad. You know, 14 goals in 4 games is really bad, but it could have been worse, I suppose. But I, you know, for my role in the locker room is to not show, you know, that, you know, we're frustrated or negativity is creeping in. If anything, I need to be the guy that's always, you know, even keel and, you know, sure, on the field, showing emotion and passion and lifting the team is important, but, you know, in the day-to-day and week-to-week stuff, I need to be one of those guys that's a rock in there, and, you know, I take a lot of pride in that. Maintenant, voici les commentaires de fin de saison de Samuel Piette. Samuel, première saison complète avec l'Impact, on est dans 18 mois. Comment on sent au Bercail après 18 mois? C'est bien, très, très bien d'être à la maison, de pouvoir jouer à la maison comme ça au niveau professionnel, puis faire partie de l'équipe de ma ville, puis d'être un élément important, je pense, c'est très plaisant. Ta saison régulière est terminée, mais tu te prépares encore au mois de novembre pour les matchs avec l'équipe canadienne. Quel est ton agenda d'ici novembre? Ben là, un petit peu de repos, 2-3 jours. La semaine prochaine, je m'entraîne ici avec les U19 parce que bon, nous, on n'est pas en entraînement. Mais c'est sûr que je veux garder la forme jusqu'à mon départ qui est le samedi le 10. Là. Ben, c'est sûr qu'en début d'année, l'objectif c'est de faire les séries. Donc à ce niveau-là, sur la checklist, je passerai pas. Après, beaucoup de gens qui voient ça comme une année de transition, puis je pense qu'on a très bien terminé la saison. Je sais que c'est plate à dire, mais c'est très prometteur pour l'année qui vient. Je pense que le début de saison a fait en sorte qu'on n'a pas fait les séries, puis je pense que le début qu'on a eu est un peu normal avec les gros changements qu'on a eu dans l'équipe. Mais il y a du positif, mais c'est sûr qu'il y a du négatif aussi. Là. Ben, c'est dur de me plaindre, là. Comme je l'ai dit aux entraîneurs, au niveau du temps de jeu, je peux pas vraiment demander plus. Le coaching staff me fait beaucoup confiance. Je pense pas que j'ai eu des gros matchs que je suis sorti du lot, mais je pense pas que j'ai fait des matchs catastrophiques non plus. Donc, je suis quand même content, mais je sais que je suis capable de faire mieux aussi, là. Avec une saison et demie derrière la cravate, es-tu satisfait de ta décision d'être revenu au Bercail? Ah, clairement, j'ai aucun regret. Je pense pour moi, autant au niveau personnel que professionnel, c'était la meilleure décision. Je pense que le timing était parfait. Puis non, je suis très content. Au début, dans la première moitié de saison, quand on en a parlé au cours des dernières semaines, tu parlais peut-être qu'il a fallu créer une culture d'équipe, qu'il y avait peut-être des joueurs qui avaient des égos qui n'étaient pas au service de l'équipe. Quand tu repenses, c'est quoi les leçons qui doivent être retenues de cette période-là? Ils nous ont aidé autant en deuxième moitié de saison qu'ils vont nous aider l'année. Je pense qu'en deuxième moitié de saison, on a tellement travaillé en équipe. C'est sûr que là, comme j'ai dit, on se connaissait plus. Donc, quand tu joues, quand tu travailles avec des joueurs que tu connais plus, autant sportivement qu'au niveau personnel, c'est plus facile. C'est vraiment plus de passer faire passer le collectif avant les égos personnels. Je pense que c'est ce qu'on a fait en deuxième moitié de saison. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'efforts. Là. On a vu des stats comparés à le début de saison, les efforts qu'on faisait juste avec les GPS qu'on a. C'était beaucoup mieux en deuxième saison. Je pense que c'est juste le fait de se donner, être au service de l'équipe et avant de penser à soi-même. Je pense que ça a fait une grande différence. Toi qui es justement un joueur d'équipe, qui te donnait vraiment au pouvoir des matchs, est-ce que c'était décevant de voir ça en première moitié de saison? Ben c'est sûr, mais comme j'ai dit, je pense que c'était normal aussi. Mais j'essaie toujours de rester positif. J'ai assez de misère à pointer du doigt ou d'être un peu méchant avec les joueurs puis de dire que t'as pas fait assez ou quoi que ce soit. Je pense que c'est justement quelque chose que je dois peut-être amener dans mon jeu ou dans ma personnalité. Mais c'est sûr qu'en dedans de toi, c'est un peu frustrant, mais je le laissais pas savoir. Puis peut-être que si je l'aurais laissé savoir plus tôt, ça aurait peut-être changé plus tôt. On le saura jamais. La clé du succès, là, si on parle aux autres joueurs, ça semble être la continuité pour l'an prochain. Mm-hmm. Regardez essentiellement le même groupe. Est-ce que tu es d'accord aussi avec ça? 100%. Je veux dire, si on rechange le groupe, que ce soit l'entraîneur, bon, je pense pas que ça va être le cas, mais de joueurs aussi, le noyau de joueurs, on va un peu revenir à la case départ puis recommencer à zéro. Je pense qu'on a mis de bonnes bases en place cette saison, puis il faut continuer avec ça avec l'an prochain. Sinon, je pense que ça va être une année de perdu là, si on recommence à zéro encore. Là. Vous avez parlé de Rémi Garde, de l'entraîneur. À quel point, cette année, vous avez vu une différence entre les 13 premiers matchs et les 21 derniers? Ben, gros. Très, très gros. Je veux dire, juste au niveau statistique, on a eu beaucoup plus de points en deuxième moitié de saison. Puis je pense que c'est le fait que lui a connu son groupe, a appris à connaître nous, à apprendre à le connaître lui. Puis c'est comme ça qu'on a trouvé, comme j'ai dit, une identité de jeu, pardon. Ça prend du temps, là, je veux dire, quand tu arrives dans un nouvel environnement de travail, c'est un peu de l'inconnu, puis il faut que tu, comme on dit, settle in tranquillement. Puis c'est ça qui est arrivé des deux côtés, puis je pense que c'est pour ça qu'on a mieux terminé que qu'on l'a commencé. Là. Est-ce que vous avez vécu une situation pareille l'année passée quand vous êtes arrivé? Est-ce que vous avez pris quelques temps pour... Personnellement? Oui, personnellement. Pas vraiment, parce que tout de suite j'ai été lancé dans le bain. Je veux dire, je suis arrivé, puis tout de suite on m'a mis dans le 11 de départ, puis je suis jamais sorti. Donc après ça, je connaissais beaucoup de personnes. Ça m'a beaucoup aidé. Je connaissais beaucoup de personnes de la sélection canadienne. Ou, tu sais, moi je suis d'ici, donc j'avais des amis qui étaient avant tout des coéquipiers, des amis. Donc ça a été quand même assez facile pour moi de m'intégrer dans le groupe. Puis je pense qu'on m'a forcé à m'intégrer aussi. Donc ça a été positif pour moi là. Ce que vous faisiez en fin de saison? Ben, je pense qu'en début de saison, quand tu arrives dans un nouveau club, tu as des idées de jeu et tu veux les imposer, mais ça va peut-être pas toujours avec le type de joueur que tu as. Puis comme j'ai dit, il a appris à nous connaître, à voir quel élément il avait sous la main. Puis il a peut-être, c'est peut-être un peu plus adapté dans son jeu, adapter un style de jeu qui nous allait mieux. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé en fin de saison. Je veux dire, on n'est pas une équipe, on sait tous, on n'est pas une équipe de possession. On a des éléments très puissants en avant, très vite pour jouer le contre. Donc je pense qu'on s'est plus pensé sur ce style-là, qui est plus naturel pour nous. Puis on a connu plus de succès. Puis je pense que Rémi et Coaching Staff l'ont reconnu peut-être un peu plus tard et non en début de saison. Donc je pense que ça a été un peu ça le tournant aussi. Là. Non, je sais que hier on a eu nos rencontres avec les entraîneurs. Ben Anthony il est juste là, moi ça. Mais je sais pas, on n'a pas encore parlé là. C'est sûr qu'on va aller manger puis on va aller en parler, mais j'ai pas encore de détails pour son cas. Ouais. Maintenant, voici Rod Fanny. Rod, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? On sait que ton contrat était automatiquement renouvelé si vous participiez aux séries éliminatoires. Est-ce que tu as eu des discussions déjà avec les dirigeants dans les deux derniers jours? Oui, on a eu des discussions, donc pour l'instant, il n'y a rien d'établi encore. Personnellement, voilà, j'ai réellement l'intention de prolonger l'aventure avec l'Impact, sachant que Pour moi, même si on a fait beaucoup de progrès, ça reste une déception parce que je pense qu'on était capable de faire mieux. Et donc voilà, pour moi, ça reste inachevé. Donc voilà, j'ai exprimé mon désir justement de prolonger l'aventure avec l'Impact. L'Impact aussi avait l'air aussi plutôt favorable à ça. Donc on va voir par la suite ce qu'il en est. Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu croyais avoir un rôle aussi important? Tu es vraiment devenu un incontournable dans le fond de la défense? Ben moi c'était mon objectif, c'est ce que j'ai toujours fait auparavant, et c'est pour ça aussi que le coach m'avait téléphoné pour essayer justement d'avoir cet impact là en tout cas sur l'équipe, du mieux possible en tout cas. Maintenant c'est vrai que je suis content que ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, comme je dis, je pense pas forcément qu'à mon cas personnel, parce que c'est vrai que ma mission pour moi c'était peut-être plus d'arriver à amener entre guillemets ma pierre à l'édifice pour aller au play-off. Ça n'a pas été chose faite, donc voilà, je suis content de mon travail, mais il y a un petit pincement qui reste là quand même. Qu'est-ce qui manque à cette équipe selon toi pour être capable de rivaliser avec les meilleures formations de la Ligue? Ben, tout simplement de la régularité. C'est vrai que sur la deuxième partie de saison, on a été plus régulier et on a vu tout de suite que ça a changé la donne. Ça nous a donné beaucoup d'espoir jusqu'à la dernière journée. Et donc je pense qu'il va falloir plus de régularité sur tout le long de la saison. Et je pense qu'après, il n'y aura pas de souci à se faire vraiment... On a bâti beaucoup de choses, on sent qu'il y a beaucoup plus d'automatisme. Et c'est pour ça que je disais aussi, moi le premier, avec les dirigeants de l'Impact, que ce serait vraiment bien de garder cette continuité et d'évoluer avec peut-être quelques touches supplémentaires. On serait vraiment dans un compétitif pour la saison prochaine. Qu'est-ce qui a été difficile dans cette première moitié de cette saison-là? On semble que ça a pris du temps avant que le groupe devienne un peu cohésif, avec une meilleure cohésion. Ça a été quoi les défis au niveau de l'adaptation pour vous dans cette ligue? Ben, c'est vrai que ça a été assez compliqué. C'est vrai que tactiquement et aussi au niveau de la perception aussi de chacun, c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Parce que c'est vrai qu'on bossait beaucoup, c'est pour ça qu'on savait que ça allait tourner, mais on ne savait pas quand, et la confiance aussi s'en est mêlée. Il y a pas mal de personnes qui étaient en perte aussi de confiance, d'autres qui étaient en recherche de confiance, et c'est vrai que ça a pris un peu de temps, toute cette mayonnaise, et puis voilà, ça a un peu tardé hélas, mais voilà, on a senti que ça a pris, mais voilà, maintenant il faut aussi garder la tête dans le bon sens, parce que c'est dans le relâchement qu'on est des fois surpris. Quel point vous êtes confiant de revenir sur 1 à 10 sur une échelle? Un peu la quantité de confiance. Mais après, c'est pas propre qu'à moi. Donc après, moi, comme j'ai dit, j'ai exprimé vraiment mon désir de continuer les choses. Et c'est pour ça qu'on avait mis cette option aussi. Donc j'ai pas changé d'optique. Maintenant, je laisse ça dans les mains souvent des dirigeants de l'Impact, de savoir ce qu'ils veulent faire avec moi l'année prochaine. Donc, voilà. En tout cas, ça sera avec plaisir. Quelle impression t'ont laissé ces quelques mois à MLS au niveau de la découverte, au niveau de l'expérience, comment tu te sens par rapport à tout ça? J'ai énormément apprécié, moi, le championnat, vraiment. J'étais surpris aussi parce que c'est très, très carré. Il y a pas mal d'ambiance dans les stades. Et c'est vrai que de loin, on se fait une image des fois un petit peu erronée parce que les gens en parlent d'une certaine manière. Alors que maintenant, sur place, on voit vraiment que c'est en plein essor. On voit l'évolution, on voit beaucoup de bons joueurs. On voit tout ce qui est mis en œuvre autour de tout ça, et c'est vraiment attrayant et ça donne encore plus envie de continuer ici. Est-ce que tu as l'impression que tu pourrais parler à quelques ex-collègues ou des gens qui sont intéressés par l'AMS, qui t'ont déjà démontré un intérêt quelconque, peut-être pas nécessairement pour l'Impact, mais pour répandre un peu l'évangile de la Ligue en Europe? Ben, en tout cas, je le ferai. C'est vrai que moi, il y a certains joueurs qui l'avaient déjà fait, comme Thierry Henry, Lyon Doula ou plusieurs autres qui étaient déjà venus par ici, ou Alessandrini. Et il me vantait que c'était vraiment un super championnat et qui évoluait beaucoup. Et là, je m'en rends compte de moi-même. Donc, moi aussi, je transmettrai à mon tour l'information. Rudy Camacho. Maintenant que c'est derrière toi la saison, quel bilan? En fait, c'est la journée du bilan. Quel bilan tu fais de ta première saison ici en Amérique du Nord? Pas top. Voilà, j'ai eu pas mal de pépins. Mes performances, je ne les ai pas apprécié, et après j'ai eu un bon mois et demi au mois de juin, juillet, où j'ai commencé un peu à retrouver mes sensations et mon niveau. Malheureusement, j'ai pas été encore trop régulier après, mais c'est comme ça, j'enchaîne sur deux saisons d'affilée. J'ai eu des petites blessures que j'avais pas l'habitude d'avoir, j'ai pas été blessé pendant 5 ans, et là j'arrive ici, j'ai des petites blessures qui m'handicapent aussi, donc c'est pas une saison pleine pour moi, une bonne saison. Après, au niveau du groupe, on a mal commencé. Et je pense qu'on a montré une bonne deuxième partie de saison, un bon état d'esprit, un bon groupe. Et voilà, il faut du temps, il faut que les choses se mettent en place. Et sur la fin, ça commence à ressembler à quelque chose. Est-ce que c'est pour toi donner le détail des pépins physiques qui t'ont affiché ? Les détails, je sais pas. Des choses que voilà, j'avais pas l'habitude d'avoir. Et là, j'ai eu quelques petites blessures qui m'ont empêché d'enchaîner les matchs. Et ça m'a handicapé, quoi. T'es un athlète fier, j'en suis sûr, d'être laissé de côté pour les matchs critiques à la fin de la saison, notamment à New England, de voir Luka en défense centrale à ta place, qu'est-ce que ça t'a fait? Non, ouais, c'est clair que j'aurais préféré jouer. Après, c'est les choix du coach. Il a raison. Luka, il a fait des bons matchs aussi, donc c'est le choix du coach et je le respecte complètement. Vous parlez des pépins physiques. À quel point le calendrier, le voyagement et les difficultés de l'Amérique du Nord apporte une dureté sur le physique? Non, je ne sais pas si c'est ça, c'est peut-être une coïncidence. Moi, je n'avais pas été blessé depuis très longtemps. Après, je ne sais pas si c'est la MLS et les voyages qui ont fait ça. En tout cas, ça a été le cas. Je n'ai pas d'explication sur ça. Vous savez, un joueur, il peut ne pas être blessé pendant très longtemps et après enchaîner plein de petites blessures. C'est comme ça, c'est le sport. Si vous aviez à faire la grande différence entre le jeu que vous aviez en Europe et le jeu ici, quelle est la grande différence de... Non, comme je l'ai dit, c'est un jeu un peu plus direct ici, un peu plus direct, physique aussi, mais en Europe c'est physique. C'est beaucoup des équipes coupées en deux ici, les attaquants ils ne défendent pas forcément, et donc faut rester attentif sur ça. Et voilà, après le jeu ça reste quand même le même. Côté du calibre, vous êtes toujours convaincu que être capable de jouer dans ce club, le niveau de jeu, et vous êtes à longtemps, vous êtes encore convaincu, il n'y a pas d'inquiétude de... Non, il n'y a pas d'inquiétude. Non, pas du tout. Est-ce que vous allez changer quelque chose entre saisons? Vous avez, comme vous dites, enchaîné deux saisons consécutives, prendre plus de repos peut-être, est-ce que c'est dans les plans? Ouais, c'est clair, je vais me reposer, je vais un peu couper de tout ça, je vais revoir la famille, ça va me ressourcer, et puis surtout me remettre bien physiquement, refaire une prépa, parce que j'ai pas fait de prépa avec l'équipe au début de saison, je suis arrivé en cours de saison, moi j'avais déjà fait une saison, donc tout ça, ça fait que... Voilà, je vais repartir sur une nouvelle saison, des bonnes bases, et puis on va essayer de faire mieux la saison prochaine. Collectivement, ça peut faire une grosse différence de partir une saison, débuter une saison avec tout le groupe en place plutôt que C'est sûr que ça joue. Voilà, on se connaissait pas au début de saison, là on se connaît un peu mieux. Après, faut pas se reposer sur ça, il va falloir avoir le même état d'esprit. Et par contre, ouais, si on a le même état d'esprit et qu'on continue comme ça, maintenant on se connaît et on peut faire quelque chose de bien. Tu parlais de préparation tout à l'heure, le fait d'être arrivé ici au début de la saison, mais en plein milieu de ta saison en Belgique. Mm-hmm. Est-ce que ça a été plus compliqué physiquement pour toi d'enchaîner pratiquement une saison et demie? Ouais, je pense que clairement, voilà, quand on finit une saison et qu'on repart sur une autre saison, déjà mentalement, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de repos. Et le corps aussi, il prend un coup aussi. Je suis arrivé ici, il faisait moins 20 degrés. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Après, moi, je suis quelqu'un qui ne cherche pas d'excuses. Mes performances, elles n'étaient pas au niveau que j'espérais et que les gens espéraient aussi. Donc voilà, on verra l'année prochaine. On va essayer de partir sur une nouvelle saison. Et pour terminer l'émission aujourd'hui, voici les commentaires de Anthony Jackson Hamel. On n'était pas satisfait de ma performance. Mais après, est-ce que sur les 34 matchs cette année, tout le monde a eu des bons matchs? Tout le monde a eu des... Bon, je pense qu'il y a des gars aussi qui ont eu des hauts et des bas, qui ont quand même été présents dans l'alignement partant. Donc, ouais, c'est sûr que des fois, c'est des petits trucs comme ça qui font que... Est-ce que tu as envie de t'arracher le cœur pour une cause qui est face à un mur, en fait? C'est un peu ça. C'est devenu personnel entre vous deux? Non, je pense pas que c'est personnel, mais à un moment donné, je pense qu'il a pris ses décisions. Puis ses décisions, c'était de ne pas mettre dans le groupe. Puis, le courant ne semble pas très bien passé entre toi et Rémi, est-ce que je me trompe? C'est pas personnel. C'est son côté. Lui, il voit les choses comme il les voit. S'il voit comme si je peux pas aider l'équipe, c'est son choix. Après, moi, je pense que j'aurais pu aider l'équipe. Mais bon, c'est lui le coach à la fin. Puis... vous êtes rencontré hier, qu'est-ce qui est sorti de ça? Tu rentres à la maison en disant quoi? Pas mal la même chose que qu'avant qu'on se rencontre. C'est, je pense que les deux, on savait comment cette rencontre allait se passer. Il n'y a pas eu de gros débats. Je pense qu'on a juste confirmé quelques affaires, puis c'est tout. Mais c'est irréparable ou bleu? C'est... Si ça ne s'est pas réglé hier, ça... Je ne dirais pas irréparable, parce que c'est juste... disons que... Bon, c'est je sais pas si tu vois quoi te dire. Sens-tu que tu as réussi à faire l'an passé, les 9 buts en peu de minutes, ça t'a... Ah, ben ça, c'est... Non, ça... Je pense que juste... Tu aurais mérité plus longue corde cette année, peut-être. Ben, bien sûr. Bien sûr. Parce que... Bon, à la fin, moi, je voulais la place de partant. Puis... Écoute, c'est dur à dire. Je pense que tout le monde sait comment je me sens. Puis je veux pas faire de grosses histoires. Je veux pas. Mais je pense qu'avec la saison que j'avais eue l'année passée, j'avais de plus grandes attentes envers la confiance qu'on allait m'accorder. Même si je voulais pas qu'on me fasse jouer à tout prix, que si je suis pas bon, on me fait pas jouer. Mais dans la tâche, je pense qu'on avait compris à quoi j'étais bon, puis à quoi je servais, puis à quoi on pouvait s'attendre de moi, qu'est-ce que je pouvais faire sur un terrain de foot. Puis je pense que d'un côté, ça a été mal exploité. Puis après ça, j'ai ma part de responsabilité aussi. Je ne me cache pas que ma blessure en pré-saison a retardé le processus de m'intégrer au groupe. C'est un nouveau groupe, il faut qu'on crée une chimie, c'est quand même complexe. Mais... par la suite, je pense que des deux côtés, il y a eu des petites erreurs de gestion. De mon côté aussi, je prends totalement le blâme. L'attitude, ça on peut en reparler, mais je pense plus de gestion. Je me suis blessé peut-être deux autres fois après, qui n'ont pas été des longues blessures, qui ont été des blessures de 2-3 semaines max. Je pense que des deux côtés, il y a eu des apports de responsabilité dans ma situation. Puis je prends le blâme sur ce que je peux prendre le blâme. Et après, le reste. Le fait qu'il n'y ait pas d'équipe réserve, Jacques, c'est que toi, plein d'autres jeunes joueurs n'avaient pas l'occasion non plus d'avoir les minutes de la fin de semaine, juste pour peut-être reprendre confiance. À quel point ça peut porter préjudice aussi au niveau de la confiance? Je te dirais. Je vais pas te dire n'importe quoi, là, mais... Oui, c'est bon, une équipe réserve, on peut se le cacher, je pense que tout le monde le sait. Mais, tu sais, on a quand même Ottawa qui est pas loin, mais je pense pas que j'ai eu des assez longues blessures pour avoir besoin de ce genre de remise en confiance. La MLS, c'est une ligue que je connais quand même bien. Après, oui, c'est excellent. Pour les gars qui ont des blessures à long terme, revenir, mais dans ma situation, contrairement à ce que probablement beaucoup de gens pensent, j'ai pas eu de blessure longue. Souvent, on m'arrêtait dans le stade, puis on me demandait si j'étais blessé, puis j'étais aucunement blessé. Fait que je pense que les gens ont eu une mauvaise image de ma situation, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est excellent, l'équipe réserve, c'est quelque chose, oui, qui était super dans certaines situations. T'es rendu à l'étape où tu dis qu'un changement de décor, ce serait peut-être la meilleure chose pour toi, à 25 ans? Écoute, je pense que dans les deux camps, moi, c'était pas du tout ce que j'envisageais, surtout avec la saison passée. Il y a eu des trucs qui se sont passés qui font que maintenant, ça va être compliqué. Mais ça reste à voir. J'ai encore une année de contrat, donc si jamais je suis ici, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant l'année prochaine. Puis sinon c'est comme ça, c'est le foot. Ça fait quand même 5 ans que je suis ici, donc on verra. On va vous envoyer faire une thérapie de couple. parlais des Québécois tantôt. Comment tu vois l'avenir des Louis, des Chouanières, tu sais, au club? C'était difficile pour les Québécois, dont toi, mais pour les autres, comment tu vois ça? Ouais, ben c'est comme je t'ai dit, c'est difficile. Après, c'est leur situation. Je peux pas dire qu'est-ce qui va se passer avec eux. Je peux pas dire ce qui se passe avec le coach. Ça, c'est leur affaire. Il faudrait plus leur demander à eux. Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est des excellents joueurs. C'est mon gars à l'investisseur. C'est des bons gars. C'est juste que c'est dur d'avoir du temps de jeu. Ce qui est normal, puis ça va être comme ça partout. À la fin, il y a juste 11 joueurs sur le terrain. Donc, c'est comme ça. Puis on verra qu'est-ce qui va se passer avec eux. Est-ce qu'au début, je m'excuse, je vais entendre les joueurs dans le prochain? Ça, je peux pas commencer à dire ah, je me vois là, j'en suis ici, je suis encore ici, j'ai mon contrat l'année prochaine. Après ça, bon, ça reste à voir avec le staff, le club, comment ils veulent gérer ça, mais c'est. Et qu'est-ce qui s'est fait à la rencontre avec les Ligards après la saison? Vous êtes rencontrés individuellement avec lui, j'imagine? Ouais, ben à la fin, c'est que je joue pas. Donc de m'avoir. Et même pas sur le banc dans les estrades, ça sert à rien à personne. C'est pas utile pour eux, c'est pas utile pour moi, c'est tout le monde perd son temps. Donc, je pense que vous allez pouvoir lui demander ce qu'il en pense. Je vais pas mettre des mots dans sa bouche, il va être capable de vous expliquer pourquoi il veut pas mettre dans le 18. Après, c'est sa décision. Puis, c'est le sport, c'est comme ça. C'est lui le coach, c'est lui qui met son effectif. C'est comme ça. Au final, avec ce qu'on sait, est-ce que tu aurais aimé aller un peu comme Max Crépeau et Thomas Mayangigal à Ottawa? Non. C'est pas quelque chose qui, pour moi, aurait été... J'ai vécu un peu cette période-là de USL. Puis de... Je pense que je suis vraiment rendu à quelque chose d'autre. Je parle au niveau du niveau. Moi, la MLS, c'est une ligue que je peux très bien jouer en MLS. C'est juste... Il faut qu'on me laisse m'exprimer. C'est ça. Tu as un contrat MLS. Ailleurs dans la MLS, pouvoir revenir peut-être de jouer à l'Impact, ce serait quelque chose peut-être qui serait un peu plus envisageable. Moi, l'Impact, ça va toujours être mon club de cœur. Parce qu'en ce moment, c'est juste difficile. C'est un moment difficile, mais j'ai rien contre la ville. J'adore les fans. J'ai vécu des moments incroyables ici. Donc, c'est je vais toujours vouloir jouer ici. C'est juste qu'en ce moment, c'est compliqué. Merci. Alors, nous avons appris aussi aujourd'hui de la bouche de Carl Fisher lui-même qu'il ne serait pas de retour avec l'Impact de Montréal l'année prochaine. Il va discuter avec son agent durant les prochaines semaines pour voir les options qui s'ouvriront pour lui pour l'année prochaine. On s'attend aussi au départ d'Anthony Jackson-Amen, fortement probable, et aussi peut-être le départ de Matteo Mancosu. On a été surpris d'apprendre que Matteo Mancosu, selon lui, sa carrière n'est plus la première priorité. Donc, nous allons voir à quel point l'Impact aura un changement de personnel du côté de l'attaque. Un mot qui a souvent été repris par plusieurs joueurs durant cette journée du bilan des joueurs aujourd'hui, c'est la continuité et d'être capable de continuer sur la progression que nous avons vue durant les 21 derniers matchs de la saison, comparé aux 13 premiers matchs de cette saison aussi. Donc, intéressant de voir les commentaires des joueurs et nous, demain, à 14h, au Centre Nutrilé, encore une fois, nous aurons la chance de parler avec l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde. Tout ça sera enregistré et vous aurez une autre édition de Sur la transversale demain. Jusqu'à demain, suivez-nous sur les réseaux sociaux, @surtransversale sur Twitter ou sur notre page Facebook, facebook.com/sur-la-transversale ou mon compte personnel, @kev-laramy. Comme d'habitude, jusqu'à demain, je vous souhaite bon soccer! Thank you.